de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qu'est-ce qui peut être plus éloigné de nous que la pensée tibétaine ? Les méditations argumentées, l'éveil subi, l'éveil graduel, la sphère de la présence ouverte, la bienveillance universelle, le grand véhicule, la théorie de la connaissance valide. En 2009, dans les nouveaux chemins de la connaissance, Raphaël Antoven proposait une semaine spéciale en partenariat avec la revue Philosophie Magazine consacrée aux philosophies d'ailleurs, à l'occasion de la parution en 2 volumes chez Hermann sous la direction de Roger Paul-Droit. Il recevait Stéphane Arguillère, docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse, co-rédacteur du dossier consacré aux pensées tibétaines. Bonjour Stéphane Arguillère. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Comment caractériser, Stéphane Arguillère, la spécificité, comme on dit, du bouddhisme tibétain, ce qui le distingue en tout cas du bouddhisme indien et du bouddhisme chinois? Il est très très difficile de répondre à votre question parce que, évidemment, le bouddhisme tibétain, c'est plus de 1000 ans d'histoire, 1000, 1200 ans peut-être d'histoire, et c'est d'innombrables phénomènes avec toute une épaisseur historique, une diversité culturelle considérable. Mais peut-être pourrais-je répondre à une autre question, celle que vous ne m'avez pas posée, allez-y. À savoir, quelle est la place de la philosophie dans le bouddhisme tibétain, d'une part, et d'autre part, est-ce que la philosophie au Tibet est seulement bouddhiste? Alors justement, est-ce que le bouddhisme et la philosophie sont des termes synonymes ici, ou est-ce que le bouddhisme, alors, se distingue-t-il en ce que le bouddhisme relève d'une religion plus que d'une philosophie, ou différemment? En fait, comme nous l'avons expliqué comme l'a expliqué Mathieu Kapstein dans les textes qu'il a choisi, qui est l'autre rédacteur du dossier, hein, allez-y. Si vous voulez, il y a dans le bouddhisme, du moins dans le bouddhisme tibétain, d'abord tout un volant purement pratique qui ne peut pas véritablement être appelé de la philosophie. Il y a également une voie possible qui est appelée Tepechejang, c'est-à-dire de ceux qui suivent la foi, littéralement. Par conséquent, la philosophie, quoiqu'elle ait une place centrale dans le bouddhisme en général, dans le bouddhisme tibétain en particulier, n'est pas une nécessité absolue. Elle n'est pas, on n'est pas nécessairement philosophe parce que l'on pratique le bouddhisme tibétain. Si tant est, pardonnez-moi, qu'on suive la définition implicite que vous donnez de la philosophie, qui l'éloigne à la fois de la pratique et à la fois de la foi. Oui, non, parce que, en fait, disons que la philosophie dans le bouddhisme tibétain, et également, il faut le dire, dans la religion Pön, qui est l'autre grande tradition spirituelle tibétaine, dont nous avons donné quelques textes, 2 textes, je crois, dans cet ensemble d'extraits. La philosophie est perçue dans sa dimension pratique, c'est-à-dire qu'elle est entendue comme un instrument de transformation personnelle, de transformation spirituelle, mais par ailleurs, elle obéit à des critères qui ne sont pas ceux de toute pratique spirituelle. C'est-à-dire, si vous voulez, en effet, elle est incluse dans un dispositif de développement spirituel, mais d'autre part, elle a ses propres critères de cohérence, critères de validité qui ne s'appliquent pas à d'autres registres de la pensée au sens le plus large, ou de la pratique du bouddhisme tibétain. Et enfin, elle n'est pas obligatoire pour tout adepte des voies que propose le bouddhisme tibétain. Il y a, si vous voulez, au Tibet, des gens qui sont, au meilleur ou au pire sens du terme, de purs dialecticiens, qui ne méditent jamais, etc. Mais normalement, la philosophie s'intègre comme un des instruments, une des voies possibles dans un développement spirituel. Et par ailleurs, naturellement, il y a l'exigence, aussi bien dans le bouddhisme que dans la religion peun, de valider en quelque sorte les doctrines par des démonstrations rationnellement suffisantes. Mais ces démonstrations ne sont pas censées être obligatoires pour tous. Enfin, c'est ce que j'allais vous demander. Vous distinguez, dans ce que vous venez de dire, la dialectique et la méditation. Ça n'est donc pas le même exercice de ce point de vue. D'ailleurs, on peut retrouver quelque chose qui est assez familier. Par exemple, Nietzsche écrivait que ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose, parce qu'il avait une conception plus intuitive, peut-être plus sensible de l'exercice philosophique. On peut considérer donc que dans l'ordre de ce qu'on appelle donc la philosophie, entre guillemets, tibétaine, il y aurait une branche dialecticienne et une branche plus méditative qui relèverait davantage de l'exercice spirituel, de la une pensée comme pratique, pratique d'une pensée plus exactement. Disons qu'on peut considérer, y compris la démarche la plus purement philosophique au sens moderne, hypothético-déductive, voilà, disons, cartésienne. Peut, voilà, si vous voulez, on peut la considérer dans un contexte comme celui du bouddhisme tibétain ou de la religion peun, comme une recherche, si vous voulez, qui intéresse l'individu aussi, qui dans son être même. Cela dit, on pourrait distinguer, si vous voulez, trois choses, à savoir la philosophie, des traités de philosophie et des disputations tibétaines. La méditation argumentée qu'on appelle en tibétain tchégom, c'est-à-dire ça existe des exercices de réflexion. Une si méditation argumentée, c'est pas un oxymore ça. Non, justement, et je vous donne ma troisième catégorie et je reviens à la deuxième. Et ensuite ce qu'on appelle en tibétain tchogom, c'est-à-dire une méditation littéralement de placement qui est véritablement là, la méditation comme on l'entend, c'est-à-dire où il y a par exemple fixation sur un objet, visualisation, ou au contraire on laisse l'esprit demeurer dans son état ordinaire, etc., d'une façon ou d'une autre. Donc dans la deuxième catégorie, nous avons donné quelques échantillons de ce genre. Il y a ce que l'on pourrait appeler des... Donc dans la catégorie de la méditation argumentée. Oui, ou tchégom en tibétain, c'est-à-dire une méditation analytique. Alors, d'ailleurs, le terme de méditation en tibétain, gom veut dire en fait s'habituer, c'est-à-dire donner à l'esprit de nouveaux plis, ce qui pour le coup est assez cartésien. N'est-ce pas la méditation comme une réflexion réitérée visant à substituer à un habitus d'erreur un habitus de vérité. Bon. Mais c'est la fameuse résolution du problème cartésien de l'âme et du corps. Si les deux sont hétérogènes en nature, c'est par une méditation réitérée qu'on finit par incorporer ce qui, sans cela, relève d'un adage moral désincarné que chacun est libre de s'appliquer ou non. À cela près que le bouddhisme tendanciellement, alors c'est caricatural ce que je vais dire, mais n'est pas dualiste, mais voit plutôt le corps comme une concrétion en quelque sorte de l'esprit, concrétion qui, alors tout à fait comme certainement les plis, si on peut dire, que prend le cerveau à force de circulation d'esprits animaux chez Descartes, ou même simplement tout simplement cette espèce de dimension intermédiaire entre l'âme et le corps qu'est le spiritus, par exemple dans la philosophie de la Renaissance ou de l'Antiquité tardive. Donc il y a bien une espèce de quelque chose qui, ayant été modelé par les dispositions qu'a pris l'âme ou l'esprit, la conditionne en quelque sorte en retour et l'emprisonne si cela est mal conformé, ou au contraire la maintient dans des canaux, disons, positifs, ou de vérité, ou de justesse. Et c'est à cela justement que sert la méditation dite analytique, donc tchégom, dans laquelle un individu va faire et refaire certains raisonnements dans une séquence déterminée pour véritablement, en quelque sorte, se donner de nouvelles habitudes de pensée. Mais ça, donc, ça a un certain rapport avec la philosophie, mais toute la philosophie tibétaine n'est pas de cette forme. Peut-être qu'elle peut être conformée ainsi ou disposée ainsi, mais elle n'est pas, les traités philosophiques tibétains ne sont pas, loin s'en faut, tous écrits comme des itinéraires spirituels, comme des séquences d'exercices spirituels, loin s'en faut. Et quelle est l'autre forme à ce moment-là? Puisque l'idée reçue qu'on en a, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre un exercice philosophique et un itinéraire spirituel. En somme, la philosophie tibétaine est confusément représentée comme confondue avec l'exercice ou la pratique philosophique d'un itinéraire individuel, d'un individu qui, se dépouillant de lui-même, accède à une forme de, non pas de transcendance, mais de coïncidence. Au fond, on pourrait, pour caractériser ce que les Tibétains eux-mêmes reconnaissent comme philosophie qui, selon nous, je veux dire selon Mathieu Kapstein et moi-même, est trop étroit, c'est-à-dire qui ne correspond pas à l'ensemble des textes que nous avons retenus. Ce que les Tibétains donc appellent philosophie, donc ils appelleraient Tsenyi Rigpa, par exemple, littéralement science des caractéristiques, cela a pour cœur, pour centre, ce qu'ils appellent Tsema Rigpa, c'est-à-dire, je crois que Mathieu Kapstein a inventé le terme de critériologie. On traduisait cela autrefois tout simplement comme la logique ou la théorie de la connaissance valide. Alors la théorie de la connaissance valide dans le monde tibétain dérive entièrement de la logique bouddhique indienne et son, si on peut dire, son arrière-plan, du moins imaginaire, puisqu'au Tibet ça n'avait plus cours, c'est la controverse avec le brahmanisme, hein, c'est le bouddhisme philosophique est organiquement lié, ou le développement organique du bouddhisme, comme du reste, celui du brahmanisme en Inde, le développement scolastique complexe du brahmanisme, sont deux choses qui se répondent en miroir, c'est-à-dire que il y a vraiment une controverse brahmanico-bouddhique qui a permis aux deux ensembles de doctrines de se constituer à la fois en miroir et en opposition. En Tibet, il n'y a pas de brahmanisme. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, c'est-à-dire quelle différence y a-t-il entre, puisque cette controverse brahmanico-bouddhique, on l'a un peu évoqué hier quand on a parlé de l'Inde avec Marc Balanfa. Qu'en est-il au Tibet ? Est-ce que finalement les termes du débat sont tout simplement les mêmes ? Non, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas de débat puisque quand le bouddhisme s'est installé au Tibet, on ne sait pas très bien ce qu'il a rencontré devant lui, différentes conceptions de ce qu'il a pu rencontrer, mais il n'a certainement pas rencontré, enfin il ne semble pas qu'il ait rencontré un ensemble constitué de doctrines, disons de formats plus ou moins philosophiques, ou du moins de doctrines suffisamment articulées pour qu'il ait pu être amené à prendre la peine de mener une controverse contre elle. Et à telle enseigne, du reste, que la religion dite non-bouddhiste du Tibet est en fait philosophiquement tout à fait homogène au bouddhisme, avec quelques particularités, c'est-à-dire que véritablement ce ne sont pas des adversaires sur le terrain des doctrines et de la philosophie. Leurs oppositions se situent ailleurs. Sur le plan politique ? J'y reviendrai après, si vous voulez. En attendant, ce que je voulais dire simplement, c'est que finalement et curieusement, c'est quand même encore le fantasme de la controverse avec les brahmanes qui hante une bonne partie des méthodes argumentatives ou des dispositifs argumentatifs de ce que les Tibétains eux-mêmes regardent comme le cœur de leur philosophie. J'entends le cœur de leur scolastique, c'est-à-dire la partie la plus presque, on pourrait dire, sèchement dialectique de cette philosophie, mais qui n'est pas du tout ce que nous avons privilégié exclusivement dans ce choix de texte. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, qu'est-ce qui a déterminé le choix ? Il faut rappeler, hein, d'ailleurs, dans cet ouvrage collectif, donc rédigé sous la houlette de Roger Paul Droit, qui envisage des continents de pensée qui ont tous en commun de n'être pas occidentaux. Le premier volume concerne les pensées indiennes, chinoises et tibétaines, et chaque chapitre est constitué d'une introduction, je dois dire extrêmement claire et pédagogique, puis d'une anthologie. Qu'est-ce qui a déterminé chez vous le choix des textes, Stéphane Arguillère ? C'est simple. Avec Mathieu Kapstein, nous avons tâché de prendre l'éventail le plus large, le plus représentatif de la pensée tibétaine dans toute la diversité de ses tendances, de ses courants, de ses styles et de ses manières également. Et voilà, donc c'est la règle principale. Donc les textes s'étalent, disons, enfin, je crois qu'il y a un texte qui est censé être du 8e siècle, mais autrement, disons, principalement du 11e à la fin du 19e, voire au début du 20e siècle. Donc on a vraiment essayé de donner tout le nuancier, disons, un échantillonnage assez complet. Il faut préciser ici pour le super néophyte les super néophytes que sont en général les auditeurs en matière de philosophie tibétaine, que vous vous situez après Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Oui, non, mais ça c'est important, c'est vrai, parce que tout le monde ne le sait pas. Oui. En fait, on n'a pas de traces d'écriture au Tibet avant l'introduction du bouddhisme vers le 8e siècle. Est-ce que vous situez dans le registre de la philosophie un texte comme celui d'Atisha qu'on va entendre, qui semble un texte plus normatif en somme ? Est-ce que relève du corpus philosophique des textes qui disent ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire ? Alors, je dois vous répondre en deux temps, c'est-à-dire pour les Tibétains, ce n'est pas de la philosophie. Pour nous, la délimitation du champ couvert par le terme le terme tibétain que nous traduisons par philosophie est beaucoup trop étroite, et par conséquent nous avons choisi aussi des textes qui, pour les Tibétains eux-mêmes, n'appartiennent pas au champ de la philosophie. Pour nous, ce texte y appartient. Nous avons voulu donner, disons aussi une expression, ce qu'on va appeler la morale en quelque sorte, ou justement la spiritualité. Écoutons-le, c'est Anne Brissier qui le lit, et on va en parler ensuite avec vous, Stéphane Arguilla. Je dois déclarer mes propres fautes, mais ne point voir les erreurs des autres. Je dois cacher mes mérites, tout en proclamant ceux des autres. Il faut renoncer au gain et à l'honneur. De la gloire, on doit toujours faire fi. N'ayant que peu de désirs, je devrais toujours savoir gré des bontés que l'on a pour moi. Il faut cultiver la bienveillance aimante et la compassion. Je dois me fonder sur l'esprit d'éveil. Les 10 non-vertus sont à bannir, et il me faut être toujours ferme dans ma foi. Colère et orgueil doivent être vaincus, puissé-je être doué d'humilité. Les modes de vie pervers doivent être rejetés, que je mène une vie justement réglée. Il me faut renoncer à toutes les distractions matérielles et être paré des richesses du sublime. Je dois renoncer à toute activité affairée et demeurer reclus en retraite. Il me faut renoncer à tout bavardage débridé et demeurer lié par les vœux de la parole. Stéphane Arguilière est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi, dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à ce qu'on appelle les philosophies d'ailleurs, entendez celles qui ne sont pas d'ici, celles qui ne sont pas de l'Occident, c'est du Tibet que nous parlons aujourd'hui, des pensées tibétaines. Stéphane Arguilière, selon vous, dans le texte qu'on vient d'entendre, on est en philosophie, pourtant, hein, c'est un texte où il est dit je dois, il faut, puis-je, on va de l'injonction au souhait, c'est une forme de décalogue presque, hein, avec ce qu'il convient de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qui distingue ce texte finalement d'un cours de morale qui prétendrait s'appliquer aux hommes presque de façon coercitive et qui, face aux humains tels qu'ils sont, n'aurait que la ressource de la déploration finalement, en constatant que les hommes n'en sont pas capables. Alors, notez tout de même que c'est dans le texte tel qu'il a été traduit, c'est « je dois » et non pas « tu dois » ou « on doit », n'est-ce pas ? C'est-à-dire ça n'est pas moins coercitif. Ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le texte tibétain, ce qui a été traduit par « je dois », ça pourrait presque aussi bien se traduire par « je me propose de », c'est-à-dire « je me donne pour objectif de ». Et là, si vous voulez, en effet, c'est un texte qui n'est pas peut-être en tant que tel, qui n'est pas au sens étroit un texte philosophique, mais nous avons voulu aussi le donner d'abord pour pour donner en quelque sorte aussi le cadre de référence dans lequel s'exerce la pensée tibétaine, c'est-à-dire c'est parce que je dois faire tout cela que je dois aussi cultiver une compréhension rationnelle de ce qui est censé être l'enseignement du Bouddha tel que les Tibétains l'ont reçu. Mais voyez, ce qui oppose totalement ce texte à ce à quoi vous le comparez, c'est précisément ce je dois. Et pourquoi ? Parce que qui est le jeu ? Alors, en l'occurrence, le jeu, c'est le jeu de l'auteur, mais dans lequel peut se glisser naturellement le lecteur. C'est le jeu impersonnel des méditations métaphysiques de Descartes. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'est ça. Donc c'est cela. Sauf que la forme du texte n'a aucune comparaison possible. Mais si vous voulez, le contexte de ce texte ou le propos de ce texte se situe dans le cadre de ce que l'on appelle la culture de l'esprit d'éveil ou de la pensée d'éveil, c'est-à-dire de la résolution morale, la promesse que l'on fait d'atteindre l'état de Bouddha, le suprême et parfait éveil, comme on dit dans les textes, pour le bien de tous les êtres. Or, une caractéristique de l'éthique bouddhiste, disons, l'éthique bouddhiste telle qu'elle est conçue par les Tibétains, pourrait se diviser en deux registres principaux, dont l'un est subordonné à l'autre, en quelque sorte. Il y a une forme d'éthique qui, dans le contexte du bouddhisme tibétain, ou d'ailleurs aussi bien de la religion peune, consiste à prendre le contrôle de son propre esprit. Et cela, dans le contexte de ce qu'on appelle trois instructions, en sanskrit, shila, samadhi, prajna, c'est-à-dire la discipline éthique comme base, le recueillement méditatif, et comme fruit, le discernement, mais ces trois éléments s'appuyant l'un l'autre. Par exemple, le discernement permet l'analyse des conduites appropriées et inappropriées. Et dans ce cas-là, il s'agit de quelque chose, si vous voulez faire une comparaison, qui ressemblerait bien davantage à l'éthique de Spinoza qu'au décalogue. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement de trouver les voies de la délivrance de l'individu, de la libération de l'individu. Mais on ne trouve jamais dans l'éthique de Spinoza la moindre injonction de cette nature. Un instant, si vous voulez. Ouais. Mais après, c'est vrai que, si vous voulez, la forme « je dois », etc., c'est... oui, on n'est pas dans l'éthique de Spinoza, on est dans le début du traité de la réforme de l'entendement, c'est « je me propose de », etc., ayant fait le tour de tout ce qui n'était pas très constructif comme type d'existence, je vais maintenant essayer une autre conduite. Ça, c'est un registre. Mais l'autre qui concerne plus ce texte, mérite quand même le détour, parce que je trouve pour ma part qu'il n'a pas suffisamment attiré l'attention. C'est cette fameuse éthique fondée sur la compassion, la bienveillance universelle, donc cette éthique de la culture de l'esprit d'éveil. Parce qu'il y a quelque chose là de tout à fait singulier dans le bouddhisme, en tout cas le bouddhisme dit du grand véhicule, c'est cette résolution que tout un chacun est amené à prendre, s'il le souhaite, mais librement, sans injonction aucune, d'atteindre l'état de Bouddha, c'est-à-dire, selon les bouddhistes, le degré le plus parfait de l'existence, de toute existence possible, et cela non pas pour la satisfaction que cet état comporte ou pour le simple fait qu'il est un état de perfection, mais parce que cette perfection est l'instrument qui permet de faire le bien d'autrui. Or, dans cette volonté de faire le bien d'autrui, dans le bouddhisme du grand véhicule, il n'y a absolument aucune espèce d'injonction, ni injonction divine, ni même commandement de la raison. Mais pardonnez-moi, dans quel ordre se situent les priorités ? Est-ce qu'il faut atteindre l'état de perfection pour faire le bien d'autrui ? Est-ce qu'en somme la visée ultime, c'est le bien d'autrui ? Ou est-ce que le bien d'autrui est comme un bénéfice d'une perfection conquise ? C'est l'une et l'autre chose. C'est-à-dire que, en fait, là vous m'entraînez sur un terrain qui est quasi théologique peut-être, qui est très religieux, mais enfin, après tout, c'est le cadre dans lequel fonctionne ou se conçoit cette philosophie. Puisque, si vous voulez, pour revenir un petit peu un instant à ce que je dis antérieurement, dans le cadre des trois instructions ou trois préceptes, donc discipline éthique, recueillement méditatif et discernement, le travail philosophique appartient à la culture du discernement. Et c'est ainsi qu'il s'inscrit dans cette démarche qui est une démarche spirituelle. En fait, je pourrais vous répondre par une comparaison traditionnelle dont d'ailleurs je me demande si elle ne provient pas d'Atisha, l'auteur du texte dont on a eu lecture. On dit que si l'on est en train de se noyer, que l'on voit d'autres personnes également en train de se noyer, il est plus sage d'atteindre d'abord soi-même la terre ferme, puis de là de tendre une perche à ceux qui étaient en train de se noyer, plutôt que d'essayer, ne sachant pas nager soi-même, de sauver les autres et de couler avec eux de la façon la plus inutile, tant pour soi-même que pour autrui. Cela dit, de façon traditionnelle, la démarche, le chemin qui mène à l'obtention de l'état de Bouddha est dit comporter deux aspects. Alors, dans une des manières de présenter les choses qui pourrait être discutable du point de vue de certains des textes d'ailleurs que nous avons présentés, cette démarche est dite comporter deux accumulations, deux provisions de mérite et de sagesse. Les provisions de sagesse consistent essentiellement en un travail de type philosophique combiné avec la méditation, c'est-à-dire c'est-à-dire comprendre la véritable nature des choses et se l'assimiler de façon vitale, enfin organique presque. Mais il y a les accumulations de mérites qui contiennent toutes sortes de perfections morales, à commencer par la générosité. Ainsi, par exemple, aider autrui. Alors la générosité, ça peut être le don matériel, ça peut aussi être le don d'une protection, ça peut être aussi le don de l'enseignement, par exemple. Donc enseigner à autrui, par exemple, c'est en même temps aussi un moyen, un des ingrédients du cheminement spirituel vers cette perfection. Donc pour vous répondre, cette perfection est vue essentiellement comme un instrument permettant de faire le bien à grande échelle, mais pour l'atteindre, il faut déjà avoir longuement cultivé des activités par lesquelles on fait le bien d'autrui à échelle plus modeste. On retrouve ici d'ailleurs, hein, vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'ambition du traité de la réforme de l'entendement dont vous avez rappelé effectivement, et c'est un texte étonnant pour ça, qu'il est écrit à la première personne du singulier, ce qui chez Spinoza, pour tout un ensemble de raisons dans lesquelles il serait inutile d'entrer ici, est tout à fait original et étonnant dans la mesure où il se présente comme inaugural. Il dit je décidais, je résolus, selon les traductions. Et néanmoins, ce sujet spinoziste, au début du traité de la réforme de l'entendement, semble disparaître progressivement derrière ce qu'il appelle un souverain bien dont, dit-il, la nature est certaine, mais dont l'obtention est difficile, contrairement à ces biens provisoires dont l'obtention est facile, mais dont la nature de bien est plus douteuse. Est-ce que ce schéma-là, cette différence entre les demi-biens, les faux biens et le souverain bien, est-ce que cette différence, elle est déjà opératoire dans la philosophie tibétaine? Oui, elle est même parfaitement claire dès les premiers commencements du bouddhisme en Inde, et du reste, on pourrait même remonter encore en deçà, certainement dans la pensée indienne. C'est tout à fait commun, il n'y a pas de différence significative. Mais c'est étonnant quand même de voir à quel point un philosophe qui est au cœur de l'Occident et qui est un disciple de Descartes peut avoir formulé dans son coin, dans sa chambre, dans sa mansarde, des intuitions qui ne sont pas du tout étrangères au bouddhisme, au contraire. Mais vous savez, enfin, j'espère que les lecteurs de ce volume dirigé par Roger Paul Droit tireront de sa lecture la conclusion qui a été la même quand je me suis avancé dans l'étude de la pensée tibétaine, et je pense qu'on arriverait aux mêmes conclusions à partir d'autres domaines. C'est quand même extraordinairement étonnant à quel point, quoi que l'on dise des dehors, de la pensée des dehors, à quel point finalement l'exercice de la pensée est homogène dans toute l'humanité. La logique est la même, il n'y a aucun raisonnement qui soit pour nous si exotique que nous ne puissions pas le pénétrer. Il y a bien sûr une différence culturelle qui exige un apprentissage, mais véritablement cela pense comme nous. Ça c'est très très important, parce que est-ce que donc, si je vous suis, hein, la différence culturelle que vous pointez, ou qu'on découvre quand on lit ces volumes qui sont passionnant. La différence culturelle est plus de l'ordre du folklore, finalement, du vocabulaire, du lexique. Les pratiques, les intentions, l'ambition, voire même les structures argumentatives sont bien souvent les mêmes. Est-ce que finalement, quand on travaille sur un livre comme celui-là, quand on travaille sur les pensées tibétaines, est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on découvre en premier, ou en second, ou à la fin des fins? Est-ce que c'est un universel pensant, ou est-ce que c'est au contraire des modalités extraordinairement différentes et hétérogènes de pensée? Si vous voulez, les contenus sont relativement déroutants, je pense. C'est-à-dire que si je le vocabulaire en tout cas. Voilà. Alors si je n'en vois plus l'étrangeté, c'est à force d'y être plongé depuis une bonne vingtaine d'années. Mais en revanche, disons l'argumentation en tant que telle, si vous voulez, la structure logique du raisonnement ne présente aucune espèce d'étrangeté, aucune espèce d'étrangeté. Il y va d'un apprentissage, de l'apprentissage d'un contenu différent, mais si vous voulez, pour la forme, elle est extraordinairement homogène, et je trouve pour ma part que cela est quand même de nature à remettre en question la valorisation obstinée, je dirais, de l'altérité dans la pensée. Vous voyez, on rentre dans un champ aussi étranger que possible. Qu'est-ce qui peut être plus éloigné de nous que la pensée tibétaine? Certes, comme me l'avait fait observer d'ailleurs François Julien une fois, la pensée tibétaine est une pensée qui repose sur le bouddhisme, et le bouddhisme est une pensée élaborée en Inde, donc dans des langues indo-européennes, si vous voulez, certes, mais enfin la pensée tibétaine, c'est tout de même 1000 ans de, ensuite d'évolution dans une langue non indo-européenne et sans plus guère de contact avec ses racines, il est vrai, indiennes, donc indo-européennes. Juste encore un point d'ailleurs sur cette langue, avant de parler juste de la question de l'éveil. Après tout, il est 10h30 du matin, en tout cas pour nos auditeurs, il est 10h30, puisque pour nous, il est 5h10 et nous sommes la veille du jour de la diffusion de cette émission qui, pour une fois, est donc en différé. Avant d'en venir à cette question de l'éveil, je voudrais revenir à évoquer très rapidement avec vous l'importance de la langue. Vous parlez tibétain, on vous entend parler tibétain, c'est très beau d'ailleurs. Hier, Marc Balanfa disait que la maîtrise du sanskrit était absolument indispensable à une compréhension intime des textes de la philosophie ou des philosophies indiennes. Est-ce que vous en diriez autant du tibétain ? Disons, je dirais qu'à cette étape et en l'état des traductions, on est obligé de répondre oui. Mais ce n'est pas, il me semble pas que l'on puisse dire cela de façon définitive ou hors de l'espace et du temps. C'est-à-dire, et encore, il faudrait ensuite nuancer selon les registres. Si vous voulez, en somme, on pourrait poser le principe suivant. Si vous voulez, une comptine pour enfants est plus opaque qu'un traité philosophique. C'est-à-dire que quand on va vraiment vers la scolastique tibétaine, la plus dépouillée de toutes, exprimée dans les termes les plus étroitement techniques, etc., la part de l'intraduisible diminue énormément. Quand on est, par exemple, chez un auteur, puisqu'on en a traduit un passage comme Longchen Rabjam, là on a véritablement un auteur qui fait un usage pleinement idiomatique de la langue tibétaine, et là on se heurte véritablement à des intraduisibles. C'est un auteur dont la pensée est d'une richesse prodigieuse, mais très difficile à pénétrer par les Tibétains eux-mêmes, parce que s'exerçant à certains égards hors des sentiers battus de la scolastique et véritablement utilisant toute la richesse poétique, tout le champ de connotation, etc., de la langue tibétaine. Et là, bien sûr, là, c'est beaucoup plus difficile sans avoir accès à la langue tibétaine elle-même. Vous étant assis sur un siège confortable, vous prendrez refuge et développerez l'esprit d'éveil. Après avoir brièvement imaginé la divinité à laquelle va votre dévotion et avoir adopté les 7 principes de Vairocana, alors, sans penser à rien, sans rien appréhender, vous vous recueillerez dans la sphère de la présence ouverte, claire et éclatante, qui n'est point appréhendée par l'intellect, mais qui est toujours présente dans la mesure même où quelque objet apparaît. Tel est le placement dans le sens de la luminosité. De plus, à ce moment-là, l'esprit et les affections de l'esprit s'interrompent, et l'on demeure dans l'essence de la présence aperceptive qui est gnose non conceptuelle. C'est cela même qui est la vérité absolue, dont il est dit qu'elle transcende les objets de l'esprit et de la pensée. Au moment où l'esprit est arrêté et la pensée transcendée, la gnose qui demeure en chacun est la réalité pareille au soleil éclatant, libéré des nuées. Dans un tel état d'absorption équilibrée, afin d'en tirer parti en séparant la pure essence de la lie, asseyez-vous, quand le ciel est sans nuages, le dos tourné au soleil, et fixez de vos yeux la sphère ou la surface du ciel, de telle sorte qu'une cognition limpide, sans activité conceptuelle, surgira. Alors, parce que l'esprit est arrêté, il n'y a pas de réification qui appréhendrait les objets apparents comme des étangs externes et séparés, et qui saisirait l'esprit comme un étang interne distinct. Ainsi, comme on ne conçoit ni l'entité ni la non-entité, sans réifier un troisième terme préhensible à côté de ce couple, on est en paix. C'est très beau ce qu'on vient d'entendre, hein, Stéphane Arguilière. Longchen Rabjam, on dit ? Oui, Longchen Rabjam. Voilà. De quoi s'agit-il, la sphère de la présence ouverte ? Et quelle différence faut-il faire entre... Parce que c'est le résultat d'une polémique séculaire, entre l'éveil subi et l'éveil graduel. Oui, là, c'est évidemment, vous mettez le doigt sur une controverse, en effet, millénaire et plus que millénaire, et donc il est difficile de rendre sensible en peu de mots à des personnes qui ne connaîtraient pas du tout l'arrière-plan. Mais, si vous voulez, le principe de ce texte-ci, c'est d'affirmer qu'au fond, il y a, en quelque sorte, dans l'esprit, comment dire cela, qu'il y a une essence de l'esprit qui est à l'esprit comme le miroir est aux images, essence de l'esprit qui est toujours déjà parfaite et en fait toujours déjà apparente, quoique recouverte pour nous par en fait les phénomènes intérieur, donc l'esprit, ou extérieur, perception, que cependant elle rend possible. Et l'exercice qui est proposé dans ce texte, qui est lui aussi aux confins, aux frontières de la philosophie et de la non-philosophie, c'est au fond... La philosophie et de l'extase. Oui. C'est une... Oui, mais en fait, d'une extase qui n'est pas une extase, qui n'est pas tendue vers un autre. C'est-à-dire, c'est un autre, mais c'est un autre toujours déjà là, puisque c'est au fond cette luminosité, dit le texte, ou cette sorte de présence immuable qui, disons, au cœur ou à l'arrière-plan de la conscience, au sens le plus courant du terme, rend ces opérations possibles. Les météorologues appellent ça la dissipation des brumes matinales. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi pas, oui. Mais alors, la différence entre l'éveil subi et l'éveil graduel? Alors, si vous voulez, enfin, il y a, peut-être deux tendances et demie, si vous voulez, dans le bouddhisme, en tout cas dans le bouddhisme tibétain, pour ne pas prétendre aller trop loin. Il y a véritablement des gens, il y a eu des auteurs, nous en avons traduit plusieurs échantillons dans ce texte, qui ont véritablement conçu l'éveil comme quelque chose qui était construit, qui était produit notamment à la faveur de ce que j'ai appelé tout à l'heure les deux accumulations, la double provision. Et là, c'est véritablement une dimension de la pensée bouddhiste qui est complètement, qui échappe non seulement aux non-spécialistes, mais je dirais même parfois à ceux de nos compatriotes qui se sont convertis au bouddhisme et à qui cet aspect-là des choses échappe tellement, c'est étranger à nos préjugés invétérés sur le bouddhisme. C'est-à-dire véritablement dans ce genre d'approche, donc qui est gradualiste par excellence, tout l'ensemble des étapes, tout l'ensemble des ingrédients, si vous voulez, du chemin spirituel est nécessaire pour, en quelque sorte, construire cette sorte de machine complexe qui va ensuite perpétuellement faire le bien des êtres. Il y a vraiment l'idée que l'éveil, c'est un construit, l'éveil, c'est le fruit d'une production. Et dès lors, là, on est nécessairement du côté du gradualisme, puisqu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas moyen de rentrer d'un coup dans l'inconditionné, et du reste, l'éveil n'est même pas conçu comme un inconditionné. La nature ultime des choses qui est connue par un être éveillé est un inconditionné, peut-être, d'une certaine façon. La vacuité, ou de quelque nom qu'on l'appelle, est intemporelle, si vous voulez, mais ce n'est pas pour autant que l'être éveillé est, lui, quelque chose d'intemporel ou d'inconditionné, pas du tout, puisque nécessairement il doit faire le bien des êtres, donc il doit demeurer en quelque sorte... Lié. Connecté, il doit continuer de participer à ce que l'on appelle la production conditionnée des phénomènes. Mais dans c'est le gradualisme, si vous voulez. Et vous avez de l'autre côté une tendance pour laquelle, alors qui comporte des nuances, l'auteur dont on vient d'entendre un passage, donc Chimba, n'est pas tout à fait purement, disons, du côté de ce que je vais vous dire maintenant. Il y a eu une tendance qui s'est vraiment développée au Tibet, dans laquelle on a conçu qu'il y avait en quelque sorte un noyau d'éveil sous-jacent, d'ores et déjà présent en nous, comme le joyau dans sa gangue. Et qu'il suffirait donc non pas de procéder aux deux accumulations de mérite et de sagesse. Mais au contraire. Voilà, de dissiper les deux voiles, voile donc cognitif et voile, voile passionnel, si vous voulez, et pour faire resplendir cette espèce d'éveil pré-éternel. Et il y a encore une autre tendance, c'est à celle-là qu'appartient en fait Longchenpa, qui rejette même en dernière analyse cette dualité, si vous voulez. Donc d'un éveil conquis et d'un éveil qui procéderait par élimination. Ou plutôt qui n'admet pas qu'il y ait quelque chose véritablement à éliminer en dernière analyse. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le registre du joyau dans sa gangue, mais dans le registre du miroir et des images. C'est-à-dire que véritablement, les imperfections, les souillures, les limitations, les fautes, les ignorances sont en un sens l'expression même de la sagesse. Et là, peut-être que la comparaison la plus pertinente que l'on pourrait trouver en Occident, c'est à nouveau Spinoza. C'est l'éthique de Spinoza, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. C'est-à-dire que le moment où on remplace le jugement par la compréhension. En somme, il y a chez Spinoza des idées inadéquates, mais on peut avoir l'idée adéquate des idées inadéquates. On peut comprendre pourquoi les individus font des erreurs, de sorte qu'on ne les juge pas, mais qu'on essaie donc précisément de les comprendre. Oui, et y compris soi-même. Et donc, dans un texte comme celui que l'on vient d'entendre, texte de Longchenpa, on peut supposer que jusqu'à un certain point, il y a quelque chose à faire. Et puis, à un moment donné, c'est-à-dire, oui, là, c'est comme si l'on était dans le registre de l'augmentation, de la puissance d'agir. Mais à un moment donné... Ça, c'est du vocabulaire spinoziste, je le dis pour l'auditeur. Allez-y. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à faire parce que tout est saisi comme enveloppé, justement, dans cette sphère de clair-lumière, sphère sans dedans ni dehors. Tiens, il y a une très belle comparaison, d'ailleurs, dans un texte de Longchenpa qui compare l'éveil, ou du moins qui compare cette dimension éveillée, cette dimension dans laquelle tous les phénomènes sont enveloppés en tant qu'éveillé d'une certaine façon, qui la compare à une citadelle en quelque sorte sans issue, sans porte ni fenêtre. Et le texte est extraordinairement bien composé puisque quand on le lit, on a le sentiment qu'on est à l'extérieur, n'est-ce pas, qu'on se heurte à une muraille fermant l'accès d'une sphère à laquelle on ne peut pas accéder. Et à un moment donné, il y a un basculement dans le texte et il apparaît qu'on a toujours déjà été à l'intérieur de cette sphère sans porte ni fenêtre. Et là, si vous voulez, donc il y a un jeu extrêmement complexe et subtil qu'on ne peut pas expliquer ici sur le rôle des médiations, si vous voulez. C'est-à-dire, est-ce que l'éveil est obtenu par l'effort, par une construction, par une purgation? Est-ce qu'il est tout simplement déjà là? Donc tout ça est extrêmement subtil, mais là on ne peut en donner qu'une très légère esquisse. Oui, mais restons dans la rencontre de continents qui, en apparence, se distinguent et qui peut-être en réalité disent la même chose ou en tout cas pensent pareil. Je voudrais avoir votre sentiment, Stéphane Arguilière, sur le texte que je vais lire maintenant, qui est le début de La Prisonnière, de Marcel Proust, qui dit ceci. « Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d'avoir vu au-dessus des grands rideaux de la fenêtre de quelle nuance était l'arrêt du jour, je savais déjà le temps qu'il faisait. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, selon qu'ils me parvenaient amortis et déviés par l'humidité, ou vibrant comme des flèches dans l'air résonnant et vide d'un matin spacieux, glacial et pur. Dès le roulement du premier tramway, j'avais entendu s'il s'était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Et peut-être ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelque émanation plus rapide et plus pénétrante qui, glissée au travers de mon sommeil, y répandait une tristesse annonciatrice de la neige ou y faisait entonner à certains petits personnages intermittents de si nombreux cantiques à la gloire du soleil que ceci finissait par amener pour moi, qui encore endormi commençait à sourire et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, un étourdissant réveil en musique. Oh, dying, yeah. Yeah. Est-ce qu'on est avec le début de La Prisonnière, Stéphane Arguilière, dans ce que Longchen Rabjam appelle la présence ouverte, claire et éclatante? C'est difficile, naturellement. Bien sûr que c'est difficile, c'est pour ça que je vous demande. D'en être certain, mais... Cette intuition qu'il a, finalement, du temps qu'il fait, alors qu'il est à l'intérieur de sa chambre, de son lit, et qu'avant même d'ouvrir les yeux, il sait déjà ce qu'il en est de l'extérieur. C'est-à-dire ce qui caractérise cette... Perception aiguë des choses. Oui, mais si vous voulez, ce qui caractérise la présence ouverte dont parle Longchenpa, ici, Ce n'est pas une espèce de, comment vous dire cela, de vigilance disponible. Ce n'est pas seulement une espèce de vigilance, d'attention neutre, claire, précise et disponible à tout ce qui se présente. En effet, cette présence ouverte dont il est question ici est en fait, enfin, si vous voulez, elle enveloppe en elle-même. Oui, elle est à la fois Longchen, comme dit le nom de l'auteur, une vaste sphère, mais en même temps, elle est un tilignactique, un point unique, c'est-à-dire que en elle, tout est complètement condensé en une essence qui, comme disent les Tibétains, est rochik, c'est-à-dire qui n'a qu'une seule et même saveur, à l'exemple des vagues de la mer qui n'ont toutes et partout que le goût du sel. Autrement dit, ce dont il est vraiment question chez Longchenpa, c'est d'une expérience véritablement métaphysique qui n'est pas juste celle d'un état méditatif. D'extrême proximité avec le monde. Mais c'est-à-dire, c'est véritablement... là, on est... si on voulait trouver un parallèle, il faudrait peut-être plutôt aller le chercher dans ce texte extrêmement étonnant de Nicolas de Cuse qui s'appelle Idiota Demente, hein, où on a le miroir en pointe de diamant, n'est-ce pas? Vous avez une pointe de diamant qui enveloppe dans sa simplicité ponctuelle la totalité de l'univers, hein, n'est-ce pas? Un petit peu comme les monades leibnizienne qui enveloppent de cette façon dans une simplicité ponctuelle qui exprime la totalité de l'univers. Il en va de même ici, c'est véritablement d'une expérience de l'éternité qu'il s'agit, mais pas d'une éternité percée dans une espèce d'inconditionné qui serait comparable au ciel vide, par exemple. Ni l'éternité comme perpétuation du temps, ça. Non, du tout, ça on est d'accord. Mais... C'est-à-dire, c'est à la limite une éternité au sens où il s'agit d'une essence simple qui enveloppe tout en elle. Alors, en même temps, dans un texte comme celui qui a été lu avant l'extrait de Proust que vous avez lu, évidemment, cet état est découvert et il est découvert par une espèce de mouvement introspectif. C'est-à-dire, il y a une espèce de retour sur soi. Peut-être que le texte de Proust pourrait être le début de cette expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en quelque sorte, l'attention se retourne vers les pensées qui s'élèvent. C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser déporter par le flot de ce que l'on perçoit, de ce que l'on pense, de ce que l'on sent, on se retourne vers la qualité de cela. Mais sauf qu'à ce moment-là, en quelque sorte, ce flux s'interrompt. Enfin, il n'y a pas de pensée qui tient si on la... Bien sûr, si on la prend pour objet et base d'un raisonnement philosophique, c'est autre chose, ou d'une introspection psychologique. Mais on peut la considérer comme une expérience qui irradie ensuite des raisonnements qui par émanation, peut-être, répand sur une façon de penser. Ce que disent non seulement les auteurs, mais les maîtres, hein, de la tradition dont Longchenpa était un des fleurons extraordinaires, hein, cette tradition dite du Dzogchen, de la grande complétude, hein, c'est que à ce moment-là, cette pensée vers laquelle on se retourne et qu'on l'on regarde nûment ou frontalement se dissipe, et que là, ce que on a une première approche qui serait presque comme regarder un ciel clair par le trou d'une serrure, si vous voulez, c'est-à-dire on a une expérience certes très très limitée, mais tout à fait réelle d'une essence purement intemporelle qui est appelée donc en tibétain semni, c'est-à-dire l'essence de l'esprit. L'esprit sem. Semni, l'essence de l'esprit, qui est censé être quelque chose de tout à fait éternel. Vous voyez, c'est comme si on remontait d'une façon un peu platonicienne de l'âme à l'essence de l'âme, mettons au monde intelligible et de là à l'un peut-être. C'est plus plotinien que platonicien, ce que vous dites, platonicien justement, c'est plotinien. J'ai la mauvaise habitude de dire platonicien pour toute la tradition platonicienne, toute la postérité de Platon et non pas pour l'œuvre particulière de Platon. Voyez. Sauf que ce qui est dans un premier temps découvert comme une espèce de présence nue et sans caractéristique s'avère, quand l'expérience en est approfondie, selon les maîtres de cette tradition, en fait envelopper en soi finalement tout l'univers dans une intuition ponctuelle, comme disaient les auteurs de cette tradition, les trois temps et les dix directions, c'est-à-dire tout l'univers. Tomorrow Never Knows, ce sont les Beatles, et c'est d'après le livre des morts tibétains. Merci Stéphane Arguilière, c'était passionnant de vous entendre. Hein. Je rappelle que vous êtes co-rédacteur avec Mathieu Kapstein du dossier sur les pensées tibétaines dans les deux tomes consacrés aux philosophies d'ailleurs, rédigés sous la houlette de Roger-Paul Droit. On poursuit ce trajet, demain ces tribulations d'un occidental en terre d'ailleurs, en compagnie de Michael Azoulay, rabbin et docteur en philosophie, qui viendra nous parler des pensées hébraïques. Lisez, chers auditeurs, lisez tous les mois Philosophie Magazine, et en particulier ce mois-ci, le numéro de septembre, la livraison de septembre, remarquable, intitulée « Quitter l'Occident », Philosophie Magazine, notre partenaire toute cette semaine, dont le numéro donc sur « Quitter l'Occident » est directement inspiré de ce travail sur les philosophies d'ailleurs. Mais tout de suite, et comme tous les jours, et pour 10 minutes, vous avez rendez-vous avec le journal des nouveaux chemins de la connaissance et avec Adèle Van Rett, notre citadelle entre discipline, recueillement et discernement. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Alors aujourd'hui, c'est du Lao Tzu, rien de moins, hein, que vous allez nous parler. Au programme du journal ce matin, en effet, le livre de la voie et de la vertu, de Lao Tzu, ou autrement appelé Lao Tzu. Nous venons de parler de philosophie tibétaine, bien différente de la philosophie chinoise. C'est pourquoi je vous propose de nous arrêter un instant sur cet ouvrage fondateur du taoïsme. Étant donné, en plus, que nous n'allons pas du tout évoquer la philosophie chinoise cette semaine. Donc... Non, on l'a passé sous silence, effectivement. Mais on a préféré la philosophie tibétaine. Une Exactement. Fois n'est pas coutume. Tao a donné taoïsme. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs le Tao? Est-ce qu'on peut le traduire? Alors, le Tao, c'est le principe premier, c'est-à-dire ce qui précède toute existence. Le Tao, c'est le non-être qui donne naissance à l'être. C'est donc une forme de rien, de vide. Et comme tout principe, il est origine, il est fondement, et on ne peut pas en rendre raison. Donc c'est là tout le paradoxe. En tout cas, c'est un paradoxe pour nos esprits occidentaux qui n'avons pas les mêmes catégories. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette semaine. C'est tout le paradoxe et toute la difficulté d'essayer de comprendre comment ce Tao qui n'est rien, qui est vide, peut donner naissance à de l'être. C'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que le Tao, qui est donc le vide, ce vide, peut-il servir de fondement? C'est un drôle de sol, c'est un sol meuble. En effet, et cela s'explique par le fait que le Tao est créateur. C'est-à-dire que le vide donne naissance au plein. Le non-être donne naissance à l'être. Le Tao est donc ce par quoi les choses sont. Et cette union de l'être d'un côté et du non-être de l'autre explique que explique ce dynamisme propre à l'univers taoïste. La conséquence de cela est que la philosophie taoïste, puisqu'elle a pour fondement un vide, un rien, quelque chose qui n'existe pas, cette philosophie taoïste donc ne sera pas tellement une connaissance au sens où nous l'entendons, mais plutôt une intuition. Le Tao serait donc irréductible à toute forme d'expression verbale. On ne peut pas définir le Tao, on ne peut pas dire ce qu'il est. Et pourtant, il est à la base de tout. Cela montre bien en quel sens le taoïsme est une forme de philosophie qui n'a pas tellement recours à la langue, à l'expression verbale, mais qui utilise une autre forme d'expression, qui serait l'image, la poésie, les métaphores. C'est ce que j'allais vous dire, la poésie, c'est un texte poétique. C'est un texte poétique, incantatoire. Il ne faut pas également décourager également d'éventuels lecteurs du livre de la voix et de la vertu en leur disant que ce serait un texte. Alors pour le coup, la structure n'est pas du tout argumentative. La structure n'est pas du tout argumentative, ça se présente comme une poésie, un assemblage de réflexions sur un mode incantatoire. Et je vous laisse méditer sur cette phrase qui vous donnera, j'espère, envie de lire ce livre de la voie et de la vertu. Cette phrase est finalement ce qui définit l'essence du taoïsme. La voie qui a voix n'est pas la vraie voie. C'était les nouveaux chemins de la connaissance par Raphaël Antoven et Adèle Van Rett. Réalisation François Connac. Première diffusion sur France Culture le 1er septembre 2009. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.